L'ombre de la bête par Clarissandre. Née avec le sentiment du malheur, la peur chevillée au cœur, Cassiopée, casse-pied, Galatée, déjantée, funambule tournée vers la lune, je déambule et tintinabule sur des fils de tulle et de bulle. Ou agatée par les cris, les SOS jetés vers la voie lactée, vers le bel indifférent, sourd et indolent. Le bien se défend pourtant, infiniment, mollement, désespérément, pour combien de temps? Inutiles et futiles sont les danses chaloupées, transes saccadées, et prières suppliciées ou extasiées, de mes sœurs douleurs, ardeurs, douceurs et candeurs. Inéluctablement, stupeur et blême, terreur, là, sonne le glas du trépas. Réveillé, la bête immonde jette à nouveau son ombre sur le monde pour le plus grand bonheur de fâcheuse, l'ultime faucheuse, dévoreuse et voleuse, hideuse, gueuse, tueuse.